Genre, tout le monde part ou quoi? Écoute, moi je viens juste de m'asseoir. Suis en train de rouler un buzz. Il y a, parce que il y a moi, il y a marqué fondant YD ou il y a, vous voyez quoi, vous marquez? Mec. Il y a marqué YD quand même ou pas? Non. Pas marqué YD. Pour ça, t'es fou toi. Ah non, elle a dit qu'elle devait partir de toute façon. Ah merde. Tout à fait, tout à fait. Hein? Bon, on va faire un peu de musique, hein, avant que tout le monde se barre, non? Écoute, moi je suis à peine installé. Comment tu vas, Yann? Je me fais rire encore de mon truc. T'étais en quoi? Moi, j'étais en sol, hein. Je partais en dos. Dos sol, oui. Ok, bah ça marchait bien.